Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 158. De la colère. S'il est permis de s'irriter, du péché de la colère, dans quel cas elle est un péché mortel, sa gravité relative, ses espèces, elle est un vice capital, ses filles. 1. Est-il permis de s'irriter? Saint Chrysostome disait, celui qui s'irrite sans motif sera condamné, celui qui a un motif ne le sera pas. Supprimer toute colère, les avis ne profitent point, les jugements restent sans exécution, le crime demeure impuni. La colère, qui a donné son nom à la faculté irascible, naît comme passion de l'appétit sensitif, ni bonne ni mauvaise en elle-même, car le désir de la vengeance peut être légitime ou illégitime. Mais elle devient mauvaise, ainsi que toutes les passions, par excès ou par défaut, et c'est ce qui arrive dès qu'elle ne se tient pas dans un milieu raisonnable. Conçue par un motif légitime et renfermée dans de justes bornes, loin d'être blâmable, elle est louable. Il est donc quelquefois permis de s'irriter. Note. Nous n'entendons pas la colère dans le sens des stoïciens, qui prétendaient que toutes les passions sont condamnables, aussi ne la définissons-nous pas, comme saint Jérôme, un mauvais vouloir contre le prochain. Nous sommes, avec saint Augustin, du sentiment des péripatéticiens, pour lesquels les passions de l'âme sont de simples mouvements de l'appétit sensitif. Entendu ainsi, la colère n'est pas toujours blâmable, qu'elle le soit quand elle précède trouble la raison, nous le voulons, mais elle est légitime quand elle suit la raison, par exemple, dans l'homme qui se courrouce contre les vices, c'est alors la colère du zèle, laquelle, obéissant à la raison comme une fidèle servante, sert d'instrument à la vertu. On nous dira peut-être qu'il n'est pas permis de se venger. Sans doute, il est défendu de vouloir la vengeance ou la punition d'un coupable parrain pour sa personne, mais il est louable de la désirer pour la correction du vice et la conservation de la justice. L'appétit sensitif, tendant à ce but, ne fait que suivre la raison, et, dans ce cas, la vengeance vient de Dieu par les dépositaires de l'autorité divine. Fin de la note. 2. La colère est-elle un péché? Que toute colère, dit l'apôtre, soit bannie d'entre vous. Éphésiens 4, 31. Il suit de l'article précédent que la colère peut pécher de deux manières. D'abord dans son but, qui est la vengeance, lorsqu'elle agit contre la raison, soit qu'elle punisse un innocent, soit qu'elle punisse pour un autre motif que le maintien de la justice et le châtiment d'une faute, ensuite dans sa mesure même, quand elle se laisse aller à un emportement excessif, soit au-dedans de l'âme, soit au-dehors. Note. La force irascible doit naturellement soumission à la raison. Fin de la note. 3. Toute colère est-elle un péché mortel? Comme désir d'une injuste vengeance, la colère est dans sa nature un péché mortel, elle viole la charité et la justice. Elle peut être vénielle, à cause de l'imperfection de l'acte, tant de la part du sujet qui n'a pas suffisamment réfléchi, que de celle de l'objet, trop minime pour constituer un péché mortel, alors même qu'il serait réalisé. Comme irritation intérieure ou extérieure, elle n'est pas par elle-même un péché mortel, mais elle peut y conduire, en portant, par son excès, à violer l'amour de Dieu et du prochain, ainsi qu'il arrive à ces hommes insensés qui, ne voulant pas en modérer les transports, blasphèment Dieu ou injurient le prochain. En ce sens-là, Job 5, 2 disait très bien, la colère tue l'homme insensé. Note. Mais, direz-vous, si toute colère n'est pas un péché mortel, comment expliquer cette parole du Sauveur ? Quiconque se met en colère contre son frère sera condamné au jugement, Matthieu 5, 22. Remarquez que le Sauveur a prononcé ces paroles après celle-ci, quiconque tuera, sera condamné au jugement. Il a donc voulu parler d'un mouvement de colère dans lequel on désire au prochain la mort ou un dommage grave. Il n'est pas douteux qu'un tel désir, si la raison y donne consentement, ne soit un péché mortel. C'est pourquoi la colère qui blesse la charité est un péché grave, mais toute colère n'en arrive pas à ce point. Fin de la note. 4. La colère est-elle le péché le plus grave ? Le dérèglement de la colère porte sur l'objet désiré ou sur le mode. Du côté de l'objet désiré, la colère n'est pas le plus grave des péchés, elle veut punir quelqu'un pour le mal qu'il a fait. Elle rentre, il est vrai, dans les péchés qui, comme l'envie et la haine, souhaitent le mal d'autrui, mais, tandis que la haine le désire d'une manière absolue, et l'envie en vue de la gloire propre, elle ne le veut que pour une juste vengeance. D'où l'on voit que la haine l'emporte sur l'envie, et celle-ci sur la colère. Il est pire de désirer le mal absolument que de le vouloir en vue d'un bien, il est pire aussi de le désirer en vue d'un bien extérieur, comme l'honneur ou la gloire, que de le souhaiter pour la droiture de la justice. Quant au mode, la colère est plus déréglée que les autres passions à cause de la violence et de la rapidité de ses mouvements, comme le marque cette parole de l'Écriture, la colère qui éclate est sans compassion. Rien ne saurait en arrêter l'impétuosité. Proverbe 27, 4. Un homme est-il en colère, disait Saint Grégoire, son cœur se gonfle, son corps tremble, sa langue s'embarrasse, son visage devient de feu, ses yeux, égarés, ne reconnaissent plus ses meilleurs amis, et sa langue forme des sons dont l'esprit ne comprend pas le sens. 5. Aristote a-t-il raison de partager les gens irascibles en trois classes, les violents, les amers et les difficiles? Cette division du philosophe, comme nous l'avons fait observer en traitant de la passion de la colère, correspond à ce que Saint Grégoire appelle le fiel, l'animosité et la fureur, elle convient parfaitement, non seulement à la passion, mais au péché même de la colère. En effet, parmi les hommes, les uns s'irritent promptement et pour des causes légères, ce sont les violents. Les autres conservent longtemps le chagrin causé par une injure, ce sont les amers. Les troisièmes, par un désir obstiné de vengeance, ne s'apaisent qu'après avoir puni, ce sont les caractères difficiles et implacables. Note. Les trois degrés de la colère dont a parlé notre Seigneur se rapportent au progrès de l'acte humain, et non pas à des espèces différentes de colère. Le premier degré est dans le cœur, celui qui s'irrite contre son frère. Matthieu 5, 22. Le second est dans la manifestation, celui qui aura dit à son frère, Raca, homme de rien. Le troisième, qui est le plus grave, est un commencement d'exécution, celui qui aura dit à son frère, fou, sera punissable par la géhenne du feu de l'enfer. Fin de la note. 6. La colère doit-elle être rangée parmi les vices capitaux ? La colère produit beaucoup de péchés. La vengeance, qu'elle a pour objet, a un attrait d'autant plus grand pour les hommes que, se montrant à eux comme justes et honnêtes, elle les entraîne par l'apparence du bien. Il en résulte que l'impétuosité de la colère nous précipite dans toutes sortes de dérèglements. Pour ce motif, la colère doit être rangée parmi les vices capitaux. 7. Est-il convenable de dire que la colère a 6 filles? On donne avec raison 6 filles à la colère, savoir, l'indignation et l'enflure, suite du mépris qu'elle fait naître dans le cœur d'un homme contre celui dont elle veut tirer vengeance, la clameur, par laquelle elle éclate en parole, comme chez celui qui dit à son frère, Raca, mot qui dénote un langage confus et désordonné, le blasphème contre Dieu et l'injure contre le prochain, enfin la querelle, qui passe des paroles aux actions. 8. Y a-t-il un vice opposé à la colère, par défaut? Saint Chrysostome a dit, « Celui la pêche qui ne se met pas en colère quand il le doit, une patience excessive est une semence de vice. » Elle entretient la négligence, et invite au mal non seulement les méchants, mais même les bons. Le mot colère a 2 significations. Par l'une, il désigne un acte simple de la volonté, par lequel quelqu'un inflige une peine d'après un jugement de la raison, et non par passion, or manquer de cette sorte de colère est un péché. Par l'autre signification, le mot colère indique un mouvement de l'appétit sensitif, avec accompagnement de passions et de modifications corporelles. Un tel mouvement est une suite nécessaire des actes de la volonté, à laquelle notre appétit inférieur obéit naturellement, à moins d'un obstacle qui l'en empêche. La colère ne saurait donc manquer totalement dans la partie sensitive de notre être que par l'absence ou par la faiblesse de la volonté, chose non moins vicieuse que le défaut d'énergie quand on doit punir selon le jugement de la raison. Note. N'éprouver aucune irritation, dira quelqu'un, c'est ressembler à Dieu qui n'a point de passion. Il est vrai. Mais ce n'est pas limité dans le jugement par lequel il inflige des punitions. Comme toutes les autres modifications de la sensibilité, la passion de la colère est utile pour exécuter promptement ce que la raison commande. S'il n'en était pas ainsi, à quoi nous servirait l'appétit sensitif? Dieu n'a rien fait d'inutile. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.